sheshe ani vende timu vende lewo vani na miye manachin lewo vani ro yangu isini hota wapina waira kovenza na mahabaha na koshive wanakomu na akoni teha Juste prends ma main, baby, et regarde-moi. Je veux te faire plaisir ce soir, c'est juste toi et moi. Juste prends ma main, baby, et confiance en moi. J'aimerais te faire rêver, même si ce n'est que la dernière fois. Juste prends ma main, baby, le reste c'est moi qui buzz, baby. Oublions nos problèmes, baby, juste toi et moi. Juste prends ma main. Soko me vun ma soko, si mon wende a dongana wangina. Ani gani ya, si mon gani ya, babo de faya. Sa shinja na stami, ou jamba mi fragile. Nera il est ticabil, de gana limita kouton hami. Amoye sa ti mwambi ya, wini wambi, nisi ouvenza. Nisi ouvenza. Juste prends ma main, baby, et regarde-moi. Je veux te faire plaisir ce soir, c'est juste toi et moi. Juste prends ma main, baby, et confiance en moi. J'aimerais te faire rêver, même si ce n'est que la dernière fois. Juste prends ma main, baby, le reste c'est moi qui buzz, baby. Oublions nos problèmes, baby, juste toi et moi. Juste prends ma main. Ce soir c'est juste toi et moi. Juste prends ma main, baby, et confiance en moi. J'aimerais te faire rêver, même si ce n'est que la dernière fois. Juste prends ma main, baby, le reste c'est moi qui buzz, baby. Oublions nos problèmes, baby, juste toi et moi. Juste prends ma main, ma main. Business.